quelque chose me manque. Mais toi, je veux ci, je veux ça. Quand je dors, je fais des rêves en dollars. Tous les jours, j'ai un nouveau costard. Chez moi, tout est neuf, tout est bon. Le monde pleure derrière mes rideaux, je m'en fous. J'habite au dernier étage, je connais même pas ma femme de ménage. Y a du cuir dans ma voiture, l'odeur de mon parfum me rassure. Je n'aime pas montrer mes émotions à la salle de musculation. Je soulève quelques poids et haltère. Mon corps est une machine de guerre. J'ai tout ce qu'on rêverait d'avoir. J'ai peut-être tout, c'est vrai, mais moi je voulais une moustache. De choses derrière mes placards. J'ai des amis quand même, et même j'ai des amis qui m'aiment. Je me dis j'ai tout pour plaire, j'ai tout pour, j'ai le monde à mes pieds, c'est fou. J'ai tout ce qu'on rêverait d'avoir. J'ai peut-être tout, c'est vrai, mais moi je voulais une moustache. Bonne nuit, je vais te faire un petit peu de temps.